révèle l'homme qui somme et ordonne du bas de l'escalier au plafond vu comme la mescaline. L'opium éveille la beauté qui rend folle. Eve est un rêve ultimatum, conduit un bébé ou les hommes. C'est le feu sacré, le summum. Eve est une femme qui s'étonne. Séché des chilums, qu'il en a bouffé des chewing-gums. Eve une dure à cuire dans les casseroles. L'âme a tendu la pomme pour faire plaisir au bonhomme. Eve l'a changé en alcool. Célibataire endurci, elle sait faire monter la zèle de l'arbre de vie où poussent les fruits. Célibataire endurci, elle sait faire monter la sève de l'arbre de vie où poussent les fruits.